Dossier 6. Première partie. Quel beau village. Bernard et Corinne sont dans le salon. Corinne est au téléphone. Eh bien, c'est d'accord, Nathalie. On vous attend. Embrasse Gérard. Elle raccroche et vient s'asseoir sur le canapé en face de Bernard. C'est sympa que Gérard et Nathalie viennent. Il reste combien de temps? 3 jours. Ils avaient prévu de rester une semaine, mais Gérard a beaucoup de travail en ce moment. Ah, cette fois, ils sont vraiment décidés à acheter une maison. Ils veulent en visiter plusieurs pendant ces 3 jours. On va regarder les petites annonces, ça leur fera gagner du temps. Tu sais ce qu'ils cherchent? Oui, ils veulent une maison avec un jardin. Tu te souviens, ils nous avaient déjà parlé d'en acheter une la première fois qu'on est venus dans la région ensemble. Il y a longtemps. On leur avait trouvé une belle maison, mais ça n'avait rien donné. Il faut dire qu'elle était chère. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Eh oui, plus on vieillit, moins on a de problèmes d'argent. Seulement ça pouvait être vrai. Ah, je leur ai dit qu'on passerait la journée de lundi avec eux, puisque c'est notre jour de fermeture. On n'avait pas dit qu'on irait au bord de la mer? Si, on pourrait y aller une autre fois. Dans les rues de Saint-Paul-de-Vence, Nathalie et Gérard Vincent se promènent, accompagnés de Bernard et de Corinne. Chaque fois que je viens ici, j'ai un choc. C'est de plus en plus beau, tu ne trouves pas? C'est déjà ce que tu m'avais dit la dernière fois. Si on avait assez d'argent, c'est ici que j'aimerais acheter une maison. Avec des si. C'est Bernard et Corinne qui ont raison. Ils n'ont pas à regretter d'être venus s'installer dans la région. Bien au contraire. Il fallait même venir plus tôt.